dimanche au pluriel. Jules Laforgue a utilisé 15 fois ce titre, et j'en ai gardé deux avec le même incipit, c'est-à-dire les mêmes premiers mots. Voici le premier. C'est l'automne, l'automne, l'automne. Le grand vent et toute sa séquelle. Rideau tiré, clôture annuelle. Chute des feuilles, des antigones, des philomèles. Le fossoyeur les ramasse à l'appel. Mais je me tourne vers la mer, les éléments, et tout ce qui n'a plus que les noirs grognements, ainsi qu'un pauvre, un pâle, un piètre individu, qui ne croit en son moi qu'à ses moments perdus. Mariage, ô dansante bouée peinte d'azur, de lait doux, de rose, mon âme de corsaire morose, va, ne sera jamais renflouée. Elle est la chose des coups de vent, des pluies et des nuées. Un soir, je crus en moi. J'en faillis me fiancer. Est-ce possible? Où donc tout ça est-il passé? Chez moi, c'est Galatée, aveuglant Pygmalion. Ah, faudrait modifier cette situation.